La série que vous allez écouter a été créée pour fêter les 90 ans de la brique Lego. À la recherche. À la recherche de la grande notice. Épisode 3, le trésor englouti. Aidés par les ours du village caché de la forêt des Myriades, Mila et Gabriel ont réussi à récupérer le premier morceau de la grande notice. Accompagnés de Gustave, l'ours ami des plantes, nos amis se dirigent vers l'île de Maladon dans l'espoir d'y trouver le second morceau. À leur départ du village des ours, Mila et Gabriel courent entre les arbres, bondissent de pierre en pierre et s'émerveille devant les papillons multicolores. Mais après plusieurs jours de randonnée, leur motivation s'évapore. La tête baissée et les yeux mi-clos, Gabriel avance en traînant des pieds. Devant lui, Mila peste, râle et ronchonne. Parfois, les trois en même temps. Gus, quand est-ce qu'on arrive à la fin? Si je me fais encore piquer par une ortie, mon corps entier ne sera plus qu'un énorme bouton. Allez, soyez positif. Ouais, bah si t'avais autant d'ampoules que moi sur les pattes, t'auras du mal à garder le sourire. Hein. Pas de panique. On devrait arriver maintenant. Gustave écarte une branche touffue, dévoilant une plage de sable fin caressée par un océan turquoise. À l'ombre des palmiers, devant une rangée de cahutes, des gens réparent leurs planches de surf. Gabriel et Mila quittent leurs habits en courant et se précipitent en sous-vêtements vers la mer. Venant du large, une ombre inquiétante nage vers eux. Terrifié, Gabriel, qui a de l'eau jusqu'au ventre, veut s'enfuir. Mais il s'en mêle les pinceaux et tombe à l'eau. Mila l'aide à se relever en observant la fillette et le dauphin qui les ont rejoints. Bonjour vous deux, vous êtes nouveaux ? Moi, c'est Inès, et lui, c'est Rieur. Bienvenue sur la plage de Malawi. Waouh, c'est super beau ici. C'est le plus bel endroit du monde. Waouh, vous connaissez un ours? Bien le bonjour. Oh, bonjour. Et vous venez apprendre à surfer? Non, on cherche l'île de Maladon. Oh, vous voyez ce volcan tout là-bas? Eh bien, c'est Maladon. Mais pourquoi t'es triste? Avant, mon peuple était très proche des habitants de Maladon. Mais depuis que nos navires se brisent à la moindre vague, on ne peut plus leur rendre visite. Devant l'air désespéré de leur nouvel ami, Mila et Gabriel échangent un regard malicieux. Grande sœur, quelque chose me dit que tu penses à un truc. De quoi vous parlez? Mon frère et moi, on est plutôt bricoleurs. Oui, et on va construire un bateau pour voguer sur les flots. C'est gentil, mais je doute que ça marche. Détrompe-toi, ce que fabriquent ces deux malins fonctionne à la perfection. Vraiment? Oh, bah vous avez besoin de quoi? De tout ce qui flotte. Inès siffle dans ses doigts. Aussitôt, les plagistes répondent présents et écoutent les indications de la fillette. Les surfeurs s'activent et entassent devant Gabriel et Mila une montagne de briques, des plates, des lisses, et d'autres avec de petits plots sur le dessus. Les enfants déclipsés, assemblés, emboîtés. Sous le regard impressionné de la foule, le navire prend forme. Quelques heures plus tard, la voile est installée et le palace est prêt. Avant qu'ils ne prennent la mer, Inès leur confie un cadeau pour les Maladoniens. Un coquillage en forme d'étoile, symbole de leur amitié. Un doux vent pousse l'embarcation vers l'horizon. À leur côté, Rieur multiplie les cabrioles. Ils sont au milieu de leur traversée lorsqu'une tempête a décoiffé un ours se lève. Les vagues triplent de taille et s'agitent comme des chevaux sauvages. Une rafale plus violente que les autres déchire la voile de bas en haut. Le mât se brise en mille morceaux. Les trois compères ne se laissent pourtant pas abattre. À contre-cœur, les enfants démontent l'oupiote et le transforment en piège à vent. Avec les restes du mât, ils construisent une hélice que Gustave attache à l'arrière du palace. Reliée à l'ancien drone qui capte les bourrasques, elle propulse le bateau vers l'avant. Il franchit les vagues et fend l'océan plus vite qu'un espadon. Si vite qu'il s'échoue sur l'île de Maladon, la proue plantée dans le sable, devant un comité d'accueil ahuri. Méfiant, les Maladoniens encerclent l'embarcation. Encore tout tremblant, Gabriel soulève le coquillage offert par Inès. Des hurrahs et des hippipipioupla retentissent. Le trio est emmené au village et une grande fête est organisée. Un petit garçon répondant au nom de Lito s'amuse à caresser Gustave comme si c'était une peluche. Sous ses chatouilles, l'ours ne peut s'empêcher de rigoler. C'est sympa, mais on doit trouver la grande notice, nous. T'as raison, Frangine. Gustave, on y va ? Oui, j'arrive. Perché sur le haut de sa tête, Lito lui gratouille les oreilles. Pris d'un fou rire, l'ours bascule sur le côté. Le premier fragment de la notice s'échappe alors de sa poche. Une étincelle s'allume dans les yeux du garçon. Venez avec moi. Ils suivent donc l'enfant jusqu'à une grotte qui entaille le pied du volcan. Ce que vous cherchez se trouve ici. Bonne chance. Moi, je dois rentrer au village. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Sinon, on retourne sur la plage boire du jus de goyave. La grande notice est là, je la sens. L'ours attrape trois bouts de mât, malaxe une patte avec les baies jaunes d'un petit arbuste. Il enduit les bâtons de cette colle jaunâtre et à l'aide d'un silex, les enflamme en un claquement de doigts. Munis de leurs torches, ils pénètrent dans la caverne. À l'intérieur, les murs sont couverts de peintures effrayantes. Il flotte un relent d'œufs pourris et il fait plus chaud que dans un four. En avançant, il tombe sur un chariot vieux et poussiéreux, posé là, sur des rails. Mila se hisse à l'intérieur. Montez ! Tu crois que c'est une bonne idée ? Si on veut trouver la notice au plus vite, oui. Tu vas voir, c'est comme un manège. Ah, trop bien ! Gabriel la rejoint tout souriant, tandis que Gustave pousse le wagonnet avant de sauter dedans. Après une pente super rapide, les loopings et les virages s'enchaînent. Gustave se cramponne au chariot comme une moule à son rocher. Gabriel rit aux éclats, sa sœur aussi, juste avant de voir les rails disparaître un peu plus loin. Oh non ! Bah quoi ? T'as peur maintenant ? Il y a un trou énorme droit devant, on va s'écraser ! Nom d'un petit pot de miel ! Quelqu'un a une idée ? Peut-être ! Brandissez vos torches vers l'arrière du chariot ! Pourquoi faire ? Fais ce qu'on te dit, Gabi ! Gustave extirpe une poudre violette de sa poche et la lance sur les flammes. Elles deviennent bleues, vertes, roses et atteignent une taille colossale. Le chariot accélère d'un coup et s'envole par-dessus le gouffre. Dans un fracas à réveiller un loir, il atterrit de l'autre côté du précipice, roulant à vitesse grand V vers un énorme rocher en bout de piste. Mila harponne la paroi avec son grappe-main et en tirant de toutes ses forces, parvient à le stopper avant la catastrophe. Ah, eh ben, bonjour les sensations fortes. À gauche de l'énorme rocher, un tunnel. Regardez, il y a une lumière au bout de ce tunnel. Je sens même un courant d'air. Encore une nouvelle attraction. Prudence, les enfants, prudence. Le tunnel se termine au bord d'un lac couleur argent. Éclairé par les rayons du soleil, il se trouve sous le cratère du volcan, à l'air libre. Waouh, il y a quelque chose qui brille au fond. J'y vais. Tête la première, Gabriel plonge en éclaboussant Gustave et Mila. Il le voit descendre, encore et encore, jusqu'à disparaître dans les profondeurs. Quand il remonte, le garçon est à bout de souffle. Oh, c'est un coffre énorme. Il est trop lourd. Oh non, on est si proche du but. Attendons qu'une éclaircie se fasse dans notre esprit. Gustave se met en position du lotus, Gabriel essore son t-shirt et Mila balance une pierre dans l'eau qui ressort aussitôt, suivie d'un gloussement. Rieur ! Mila, tu crois qu'il pourrait emmener ton grappe-main jusqu'au coffre ? Mais ouais, c'est génial ça, Gabi. Mila confie le bout de son grappe-main à Rieur. Immédiatement, le dauphin comprend ce qu'il doit faire. Une fois le coffre bien accroché, le trio se met à tirer. Oh, yes ! La saucisse ! Oh, yes ! La saucisse ! En sueur, ils sortent le coffre de l'eau. D'un air solennel, Gabriel l'ouvre et découvre la seconde partie de la grande notice. Fiers de ce qu'ils ont accompli, les trois compères se prennent dans les bras. Quand ils relèvent la tête, le bout de parchemin n'est plus là. Gabi, c'est toi qui l'as ? Pas du tout. Gustave, tu l'as rangé dans une poche. Non, je pensais que c'était vous, moi. Là-bas, il y a quelqu'un qui s'enfuit. Mila se lance à ses trousses, mais le voleur casse un pilier dans le tunnel et la galerie s'écroule. Gustave se met à creuser, mais rien à faire. Ils sont prisonniers. Gabriel a envie de pleurer, tandis que sa sœur bout de rage. Le rire du dauphin résonne une nouvelle fois à leurs oreilles, leur redonnant espoir. Mais oui, si Rieur est arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a une autre entrée. Avec les pièces du coffre, on pourrait se fabriquer... des palmes. Et avec cette plante, la Maximusa aspirusa, nous aurons des poumons gonflés comme des ballons. Ah, c'est tout visqueux. En faisant mille et une grimaces, ils gobent les feuilles. D'un coup, ils ont l'impression de pouvoir tenir en apnée des heures. Confiants, ils se jettent à l'eau et, guidés par Rieur, émergent à l'air libre. Au loin, un homme rame sur une barque trouée. Rieur lui fonce dessus. Pris de panique, le fuyard enfile un sac à dos équipé de fusées. Sa machine démarre dans un nuage noir et il s'élève dans le ciel. Au lieu de filer bien droit, l'engin zigzague, tangue et pétarade avant d'emporter son pilote comme une flèche très haut dans le ciel. Un porte-document flotte à côté de l'embarcation. Mila le récupère. Soulagée, elle y découvre la seconde moitié de la grande notice, qui n'a pas eu le temps de prendre l'eau. Gabriel examine les autres papiers et parcourt le carnet de bord du voleur. Apparemment, cette vieille serpillière s'appelle Lord Brony. Ce nom me dit quelque chose. Je crois qu'il s'est autoproclamé le plus grand archéologue du monde. Il cherche aussi la grande notice. Et vu ce qu'il a écrit ici, c'est lui qui détient la dernière partie. Nom d'une truffe de grizzly. Parfait. Hein ? T'as pas compris ce que j'ai dit ? Bien sûr que si. Au moins maintenant, on sait où aller. Direction le repère de Lord Brony. Comment va se terminer l'aventure de Mila, Gabriel et Gustave ? Vont-ils mettre la main sur la dernière partie de la grande notice ? Ou bien est-ce que Brony va gagner la partie ? Vous le saurez jeudi prochain. L'épisode vous a plu ? Vous l'avez bien écouté ? Eh bien, j'ai une question pour vous. Quel est le nom de l'île où se trouve la seconde partie de la grande notice ? Madalone ? Malapone ? Maladone ? Rendez-vous sur le compte Instagram des Petites Histoires pour me donner votre réponse et peut-être gagner des cadeaux Lego. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.